Pour dire je pourrais le faire, comme dans je pourrais le faire si j'étais riche, il s'agit d'une condition. Comment traduit-on je pourrais le faire? Ich würde es tun können. Ich würde es tun können. Bien. Comment diriez-vous je ne pourrais pas le faire? Ich würde es. Bien. Ich würde es. Donc, je ne pourrais pas le faire se dit. Ich würde es nicht tun können. Bien. Ich würde es nicht tun können. Comment dira-t-on il ne pourrait jamais le faire? Würde es nicht tun können. Vous n'avez pas traduit jamais? Nie. Oui. Reprenons la phrase en entier. Il ne pourrait jamais le faire. Würde es nie? Würde es nie tun können. Bien. Würde es nie tun können. Jamais se dit donc nie ou niemals. Niemals, ça s'écrit en un mot. Niemals. N-I-E-M-A-L-S. Mals signifie fois, au sens de moment, portion de temps. En français, le mot temps a deux sens. Le temps qui passe et le temps qu'il fait. En allemand, le temps qui passe, c'est Zeit. Zeit. Z-E-I-T. Zeit. Je n'ai pas le temps se dit Ich habe keine Zeit. Zeit. Alors, comment dira-t-on je n'ai pas le temps de le faire? Ich habe keine Zeit. Ich habe. Ich habe. Ich habe keine Zeit. Zeit. Ich habe keine Zeit. Zeit, c'est le son t, comme la mouche tsetse. En allemand, le z en début de mot se prononce t. Zeit. Donc, ich habe keine Zeit de le faire. Es zu tun. Es zu tun. Oui. Ich habe keine Zeit, es zu tun. Die Zeitung, c'est le journal. Ça s'écrit Zeitung. Die Zeitung. En allemand, G en fin de mot se prononce K. On a donc Zeitung. Die Zeitung. À vous de le dire, die Zeitung. Die Zeitung. Bien. Die Zeitung. À vous? Die Zeitung. Bien. Die Zeitung. Lire se dit lesen. Lesen. Lesen, L-E-S-E-N. Donc, je lirai le journal, je vais lire le journal, se dira Ich werde die Zeitung lesen. Bien. Ich werde die Zeitung lesen.